une conférence du samedi pour le vendredi soir. J'ai oublié le titre. C'est caché. Découvrir les pouvoirs cachés en vous, quelque chose comme ça. Je m'en t'en donner des titres. Ça du mois prochain, puis de ça de ce mois-ci. Je sais, d'aujourd'hui. Un des pouvoirs cachés qui est à développer, c'est la mémoire. C'est ça. Découvrons nos pouvoirs cachés. On a-tu des pouvoirs cachés? À part la mémoire? Oui, oui, oui, oui. Mais la mémoire, c'est pas un pouvoir caché, c'est un pouvoir connu. Souvent, il est très, très bien caché. Quoi? Les gens s'en rappellent pas, ils s'en trouvent plus. Ils oublient les morceaux. D'ailleurs, c'est l'un des gros problèmes dans l'évolution de l'humanité, c'est la mémoire, parce que même une personne a déjà dit que la mémoire était une faculté qui oubliait. Alors que c'est totalement absurde, c'est la mémoire, c'est un mot qu'on a donné à la faculté qui retient. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on oublie, qu'on s'en rappelle. Il faudrait oublier de l'oublier. Comme je demandais à un professeur à la télévision qui m'interviewait sur la nécessité de continuer à enseigner les mathématiques traditionnelles avec un crayon sur du papier aux enfants et de les forcer à apprendre les tables de multiplication, c'est de la nécessité de la mémoire. Et je lui posais la question, 11 fois 11, ça fait quoi? Et puis le professeur... il n'a pas pu répondre. À la mémoire, c'est dangereux. Faculté cachée, la mémoire, oui, surtout la mémoire qui nous permet de nous rappeler l'avenir. Ça, c'est une bonne mémoire. La mémoire du futur, on devrait avoir ça. Mais c'est toujours de se rappeler d'où il vient. Il pourrait aussi se rappeler d'où il va. On se rappelle du passé. De temps en temps, on se rappelle de ce que l'on appelle le passé. Mais c'est pas toujours utile. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est bon que je me rappelle où je reste. Mais non, si tu te rappellerais où tu vas, tu saurais où tu vas, où tu vas rester ce soir. Mais l'humain préfère se rappeler où il reste ailleurs. Je me vois en train d'essayer d'expliquer ça à ma femme, là, que je me rappelle pas de l'adresse ou je me rappelle pas où j'allais. Ben oui, tu te rappelles de l'adresse où tu vas être tout à l'heure. L'adresse où tu vas rester. Oui, ça, c'est de la connaissance, c'est pas de la mémoire. Non, c'est du savoir, mais c'est se rappeler. C'est une autre façon de se rappeler. Mais on se rappelle de l'avenir plutôt que de se rappeler du passé. Ça nous permet de nous rappeler la combinaison gagnante de la loterie. Avant? Eh oui. Ça, c'est de mémoire de futur. Je connais des personnes qui sont capables de se rappeler suffisamment de l'avenir. La problématique, c'est qu'ils ne savent jamais quelle date ils se rappellent. Bon. Il y a une personne, à un moment donné, qui avait fouillé pour la bourse pour trouver des informations privilégiées, mais là, c'est difficile d'aller en cours et de se faire condamner parce qu'on a... on s'est rappelé de l'avenir. Et il avait trouvé le code sur lequel la compagnie était listée en bourse. Il avait trouvé que c'était listé à Toronto et Vancouver. Il avait trouvé que, bon, plusieurs choses. Et par la suite, il a vérifié avec un courtier. Et effectivement, le code existe. Le code est listé à Toronto et Vancouver. Il n'est pas listé à Montréal, il n'est pas listé à New York, il n'est listé nulle part ailleurs. Donc, ce qu'il s'était rappelé était donc totalement véridique. Il savait que c'était en bas d'un dollar la valeur de l'action. C'était 71 cents, donc c'était toujours véridique. Et il savait qu'à un moment donné, c'était pour être, c'était pour passer d'une façon phénoménale à plusieurs dollars. Donc, il n'avait qu'à en acheter. Mais il n'arrivait pas à se rappeler de la date où c'était pour passer très haut. Alors, le problème, il peut acheter les actions, et puis en l'an 2024, ben oui. Mais en attendant, nécessairement, son argent, ça n'a pas grand-chose. Mais ce pouvoir-là de se rappeler des choses du futur, ça se fait comment? Par le voyage astral, dans ce cas-là? Non, le voyage astral aussi est une faculté cachée, c'est-à-dire qui est cachée, que la conscience de l'humain refuse de connaître. Exactement comme à un moment donné, il y a des personnages qui ont dit que par vos rêves, on peut connaître des choses. Et plusieurs personnes, voyons donc par les rêves. Premièrement, moi, je rêve pas. question de mémoire. Après plusieurs études, on s'est rendu compte que toutes les personnes rêvaient et que s'ils ne rêvaient pas, ils avaient des problèmes à vivre. Bon. Donc, on rêve. On se rappelle pas tous de nos rêves, mais on rêve. En étudiant certains phénomènes dans le rêve, on peut arriver à décortiquer certaines problématiques psychologiques. Donc, le rêve n'est pas juste une farce. Mais pour plusieurs personnes, ben, rêver, tu sais, t'es dans la lune, tu rêves. C'est toujours un peu péjoratif, un peu négatif. Un bonhomme, un jour, un Chinois avait dit à sa femme, il expliquait aussi des choses à sa femme, et lui avait dit, le soir quand je me couche, en rêve, je deviens papillon. Et le matin, quand je me réveille, en rêve, je deviens un être humain. Alors pour lui, le papillon s'endort vers la fin de la nuit, il rêve qu'il est un être humain. Puis lui, ben, il se réveille un être humain. Mais quand il va se coucher, il se rêve qu'il est un papillon, puis la nuit, c'est un papillon. Espérons qu'il n'y ait pas trop de prédateurs, évidemment. Mais le bonhomme, il était capable de comprendre qu'il vivait dans deux mondes ou qu'il avait deux vies. Il y a des personnes qui ont... J'ai connu des étudiants qui essayaient certains trucs. Je faisais ça aussi quand j'étais jeune. Les devoirs à l'école, ça, je n'aimais pas. Apprendre des choses que je n'aimais pas apprendre, je n'aimais pas ça. Alors, soit que je plaçais les livres ou les choses entre mes deux matelas, vu que j'ai toujours dormi sans oreiller, et je dormais dessus. On a déjà vanté les mérites du pouvoir subliminal, c'est-à-dire que tu écoutes une cassette pendant que tu dors. Alors, tu peux apprendre l'anglais, tu peux apprendre l'espagnol, tu peux apprendre le français aussi. C'est utile, il y en a plusieurs qui ont intérêt à apprendre le français. Et tu l'apprends pendant que tu dors. Ma mère me disait que, voyons, non, c'est pour les paresseux. Moi, je lui répondais, c'est pas pour les paresseux, c'est pour les intelligents. J'ai jamais vu l'intelligence de mériter, de travailler sans arrêt pour mériter une chose, je préférais l'avoir comme ça. Comme lorsque j'étais jeune, j'avais des bottes qu'on attachait avec du velcro. Et encore là, je suis paresseux. Les gens, ils attachaient avec des lacets. Ah oui, non, tu sais, tes autres, tes mains, c'est fini. Alors que les autres sont toujours là. Et finalement, ben, les enfants sont intelligents comme moi, mais ils n'ont pas de souliers en velcro. Alors, les autres sont attachés, ils les mettent sans les... Bon. On peut apprendre des choses en plaçant des livres ou certains objets en dessous de proches de nous. On peut apprendre pendant le sommeil. Donc, il y a effectivement quelque chose pendant la nuit qui va fouiller là où il y a un intérêt, peut-être mitigé, mais un intérêt quelconque. On peut le diriger là. Lorsque j'étais assez jeune, j'ai essayé de puis je pratiquais une technique qui d'ailleurs m'a failli me faire perdre un emploi. C'était celle de dormir éveillé. Alors, je m'assoyais dans une position qui est connue sous le nom du lotus. Moi, j'avais 9 ou 10 ans. Et à un moment donné, juste quand on vient pour dormir, j'essayais de ne pas dormir, mais sans me réveiller. Et là, tu te ramasses totalement dans le monde astral. C'est absolument génial. Alors, j'ai traversé le mur de ma chambre, et puis là, j'ai découvert que c'était pas comme dans les livres que j'avais lus un peu à l'époque, parce qu'on voyait le plâtre, on voyait les panneaux de gypse au fur et à mesure qu'on traverse, on voyait les fils électriques, toutes les cochonneries qui avaient été laissées là, les câbles. On voit à travers. Et j'ai essayé d'aller lire un livre. Puis tu rentres dans le livre, puis là tu vois page après page, mais on ne voit pas avec les yeux, donc on ne peut pas. Il n'y a pas de focus qui se fait. Hein? Tu travailles un peu là-dedans, les focus. Alors on n'a pas besoin de verre pour lire à travers cela, ça se fait bien. L'être humain, il a plusieurs capacités. Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir caché? On peut parler de ce que je fais, mais des pouvoirs cachés, juste l'idée de penser. En philosophie, à un moment donné, je faisais des arts martiaux avec mon professeur de philosophie, et là on faisait de la vraie philosophie, on était sur le terrain, et là je lui disais que juste la pensée, prouve-moi que tu penses. On est dans l'abstrait total, on est dans la fumisterie totale. Prouvez-moi que vous pensez. Parce que les scientifiques les plus traditionnels pensent, sont obligés d'admettre que la pensée existe. Mais prouvez-moi que vous pensez. Tu vas dire, ben oui, mais là, 5 et 5 font 10. Concrètement, c'est pas prouvé que tu as la pensée. C'est pas probable. Non, Ça peut être tellement d'autres facteurs qui vont nous permettre d'être là ou de parler ou d'etc. De souffrir. Mais c'est pas un pouvoir, cette pensée, c'est plutôt un handicap. Dans certains cas, oui. Mais là, ça dépend des pensées. Ça va trop loin. Ça dépend des pensées. Pas qu'à 5 mois d'avance, mais pour moi. Parce que la pensée, ça reste quand même une chose. La pensée, c'est la capacité qu'a l'être humain de se relier à des mémoires. Les mémoires du monde de la mort, qu'on appelle le ciel, qu'on appelle le nirvana, bon, les mémoires de ces choses-là, on ne peut pas penser en anglais si on n'a pas appris l'anglais. Les pensées sont totalement tributaires de ce qu'on a appris de la mémoire. Cela, évidemment, crée des problèmes. C'est que l'être humain ne peut pas se faire une opinion de lui-même qui est réelle. Pourquoi? Parce que l'opinion qu'il se fait de lui dépend de ce qu'il a appris. Bon, il ne peut pas se faire une opinion de la planète ou une opinion cosmique pour la simple raison que par la pensée, l'opinion qu'il va se faire dépend de ce qu'il connaît. Comme la majorité de ce qui existe, il ne le connaît pas, nécessairement, l'opinion qu'il aura sera une opinion extrêmement minime, qui va quand même lui permettre, en termes de structure de pensée, de pouvoir supporter la vie ou de pouvoir supporter l'ignorance de tout ce qu'il ne sait pas. Il se fait des philosophies, des cosmogonies, des théologies, des spiritualités, des choses comme ça. Mais dans la même ordre d'idée, la mémoire aussi, c'est un handicap. La mémoire, c'est un handicap, puis en même temps, c'est essentiel. Parce que c'est pas la capacité de savoir instantanément une chose lorsque c'est nécessaire que tu le saches. C'est intéressant d'avoir de la mémoire. Parce qu'il faut comprendre que l'être humain est un être en construction. Donc, on ne peut pas... Souvent, quand les personnes disent « Oui, mais pourquoi Dieu vient pas tout régler ça? » Il s'en rappelle plus. Ben, c'est pas... Il y a plein des choses, effectivement. Mais... Parce que il vient pas régler ça. C'est impossible qu'il puisse le régler. Je le dis souvent, quand Dieu s'adresse à un chien, ben, il se met au niveau du chien, alors Dieu, il jappe, comme le chien. Alors, il y a le langage, c'est le même. Donc, le chien peut pas comprendre plus. Nous, on comprend en fonction de ce qu'on est. Donc, on peut pas comprendre plus haut que ce qu'on est. De temps en temps, les personnes lisent certains livres qu'ils appellent sacrés, que ce soit le Bhagavad Gita, que ce soit la Bible, d'autres livres du genre. Et j'ai souvent dit que ces livres-là n'enseignent rien à l'humain. Ils ne confirment. Ils ne font que confirmer l'humain. La personne lit un passage de ces livres-là et puis elle comprend des choses. 10 ans après, elle relit le même passage, puis là, elle vient de comprendre. Puis 20 ans après, elle recommence, là, elle vient de comprendre. Le livre, tu vas juste te confirmer ce que tu es ou ce que tu sais, mais il ne t'apprend rien d'autre. L'être humain a la capacité d'apprendre sur le tas. C'est ce que j'appelle, moi, être intelligent. Tous les êtres humains sont intelligents. Alors, il y en a, à un moment donné, il y a quelque chose qui brise à la maison, eh bien, ils vont le défaire, ils vont fouiller. C'est des patenteux, patenteuses. Ils s'autorisent à apprendre sur le tas. D'autres personnes qui, eux, privilégient l'intellectuance, ne pourront pas, voyons, je connais rien là-dedans, je peux pas, bon, mais ils vont le donner à quelqu'un pour qu'il le répare, ou qu'il essaie de le réparer, ou bien ils vont le jeter pour en acheter un autre. Parce que être intelligent ne veut pas dire qu'on réussit tout. Ça veut dire minimum qu'on s'autorise à se lancer dans le neuf. Bon, ce que l'enfant souvent a et que l'adulte lentement perd. Est-ce que c'est pas plutôt justement l'intelligence qui serait un pouvoir caché que la mémoire puis non. La pensée? L'intelligence, c'est une puissance cachée. Alors que la pensée, c'est un pouvoir caché. La différence entre la puissance et le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est quelque chose qui est tributaire du contrôle de l'ego. C'est quelque chose qui va servir surtout à la cristallisation d'une forme d'orgueil chez l'humain. Alors la personne qui est voyant ou voyante, elle va dire « j'ai un pouvoir ». Le pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle a la capacité probablement de lire des futurs possibles ou d'aller fouiller dans des trames. Bon. Alors elle a un pouvoir, c'est-à-dire qu'elle, elle peut dire « j'ai un pouvoir sur les autres ». Je veux savoir où un tel va être ou ce qu'il va faire, je peux. Je peux donc contrôler. Lorsque l'intelligence dirige les capacités surnaturelles ou, disons, paranormales de l'homme, de la femme et de l'enfant, c'est de la puissance. C'est-à-dire que je deviens puissant, pas contre l'homme, mais contre la mécanique qui manipule l'humain. La majorité des personnes ici présentes, ou celles qui écoutent et qui ne sont pas ici, donc ceux qui écoutent les cassettes après, les personnes qui écoutent la conférence, en majorité, sont tous d'accord pour dire que chialer, c'est stupide, ça sert à rien. Et dans le couple, souvent, on en perd du temps, on gueule, on chiale, on s'insulte, mais, ah, patron-employé, patron-patron, employé-employé, etc., régulièrement dans la vie. Hey, maudite niaiseuse, tu vulcaves, plein de mots comme ça qui ne mènent à rien, qui ne servent à rien. Ces mots sont l'expression d'un pouvoir, l'expression justement de l'ego, d'un jugement. Intelligemment, on n'aime pas. L'intelligence, lorsqu'elle dirige les mêmes facultés, ça devient de la puissance, et lorsque c'est l'ego qui dirige les facultés humaines, ça devient des pouvoirs. J'ai, à un moment donné, de temps en temps, certaines personnes ici ont déjà vécu ça, vous décidez d'appeler, de téléphoner quelqu'un. Oh, nécessairement, vous utilisez le téléphone. Bon. Prenez le téléphone, signalez, ça l'aide, puis Bell Canada fait beaucoup de promotions là-dessus. Alors vous appelez le hibou. Bon, alors, bon, c'est intéressant. Sauf que, une fois qu'on a fini de signaler, ça parle immédiatement. Allô? Allô? Là, ça, bon, ça n'a même pas sonné. Oui? Puis la personne que tu veux appeler, c'est elle. Mais elle, ça n'a même pas sonné. Elle voulait t'appeler. Quand on a fini, avant que le contact se fait, avant que ça sonne, l'autre décroche pour t'appeler, mais il n'y a pas le temps, puis lui a entendu composer, puis etc. Bon. Je connais quelques personnes à qui, aussi précisément que ça, ce genre de mécanique arrive. Moi, je suis plus paresseux que ça. Je pense à quelqu'un, puis lui, il m'appelle. Ouais, ben ça, évidemment, ça devient de puissance. Ben, c'est pas de la puissance. Si c'est orgueilleux c'est... là-dessus, c'est un pouvoir. Non, c'est accidentel. C'est pas accidentel, c'est ça le problème. C'est que l'humain, c'est toujours accidentel. Hein? On n'est pas capable de rien faire, c'est accidentel. Il y a une personne, à un moment donné, qui dit à son fils, « Pense à moi, t'auras plus mal. » Le fils, ben, il s'essaye, il pense au père, la douleur s'en va. Et là, le père se découvre la capacité d'ôter la douleur. Ça n'a rien à voir. N'importe quel humain peut faire ce genre de choses. Et là, on va dire, oui, mais c'est une question de croyance, une question de foi. J'ai rencontré, à un moment donné, un médecin qui disait, oui, mais tout ça, là, c'est de la frime. C'est uniquement psychosomatique. Ils mettent combien de millions de dollars de recherche sur les maladies psychosomatiques? Ça, ils y croient. Mais les cures psychosomatiques, ça, c'est de la foutaise. Un instant, danger. C'était guéri, mais c'était psychologique, tu sais. Fait que, crois pas à ça, là. Prends les médicaments. Il y a des pouvoirs cachés, de la puissance cachée chez l'humain, et on place ça au nu régulièrement. Une personne qui avait le cancer, elle était vouée à la mortalité, puis à un moment donné, parce qu'elle se met à danser du ventre, elle guérit. Et là, elle est géniale. La personne elle décide qu'elle parle de la danse du ventre, ou de bon, etc. Et tout le monde embarque. Mais pourquoi qu'on ne le fait pas à un moment donné nous-mêmes? Il y a une personne qui est tout jeune, elle tombe, elle se fait mal au coude. Instantanément, elle met la main sur le coude. Ça calme la douleur. C'est du magnétisme. Bon, tu souffles quand tu t'es fait mal. C'est idiot de souffler. Quand tu t'es brûlé, je comprends, c'était le feu. Mais quand tu t'es frappé de pouce, tu mets ta bouche. Voyons donc, c'est quoi l'idée? Mais le souffle émet beaucoup d'énergie vitale. L'eau est un grand conducteur d'énergie vitale, donc tu peux le mouiller aussi. C'est logique. Mais à un moment donné, scientifiquement, on ne comprend pas, alors quand on devient adulte, on finit par abandonner, quoique encore de temps en temps, on a des réflexes. L'acupuncture, c'est enseigné en France dans une université, on s'en sert en médecine, c'est totalement reconnu. Les Américains, dans certains États, on le fait aussi. Ici, maintenant, on est obligé d'accepter l'acupuncture parce que ça fonctionne, mais la médecine va dire, ben, soyez médecin avant d'être acupuncteur, parce que, etc., bon. Mais on est obligé. Pourquoi nous, les scientifiques occidentaux, n'avons pas découvert l'acupuncture? Parce que c'est de l'énergie vitale, yin-yang, et comme la science occidentale ne travaillait que sur les morts, sur les cadavres, il n'y a pas de vie dans un cadavre, yin et yang, c'est plus là, c'est parti, et que les orientaux travaillaient sur les vivants, eux découvrent, les autres ne le découvrent pas. Mais là, le médecin dit, voyons, j'ai disséqué 3000 cadavres, j'ai jamais vu d'énergie là-dessus. Maintenant, on a des appareils électriques qui te disent si le point il est là, on te dit même si le point est en état ou pas, en plénitude ou en manque. On a des appareils laser maintenant pour piquer sans que tu aies. Bon. On y va. Mais yin et yang, plénitude, vous avez un ulcère d'estomac, maladie yang. Trop de yang, trop de chaleur à l'ulcère d'estomac. Probablement qu'il y aura un manque de yang quelque part dans le corps. Vous vous faites un massage particulier, ça peut replacer. On prend des tisanes. Les tisanes, il y en a qui sont yin, il y en a qui sont yang, on peut replacer. Mais un autre être humain qui s'approche de vous peut aussi vous magnétiser. Ah, mais il connaît rien de la médecine. L'énergie minale, encore méconnue de l'acupuncture, ne demande pas à un individu de connaître la médecine. Ça fonctionne, c'est tout. Mais est-ce que ce serait des connaissances qu'on a en nous? Ce comme sont... tu donnes tantôt, c'est des exemples qui sont des réflexes, qu'on appelle des réflexes, mais en réalité, est-ce que c'est un réflexe ou est-ce que c'est parce qu'on a la connaissance de se souffler sur le pouce pour atténuer la douleur? Quand on parle de réflexe, un réflexe, là, c'est un réflexe psychologique, c'est pas un réflexe physique. Hein? C'est pas la même chose que quand on tape sur un point réflexe, ça fait bouger. C'est un réflexe psychologique. En réalité, ce que ça veut dire, c'est une forme d'instinct. Mais l'instinct, qu'est-ce que c'est? L'instinct, c'est une des parties que moi, je trouve les plus intéressantes chez ce qui vit. L'instinct, c'est de l'intelligence instantanée. C'est de l'énergie supramentale. Elle peut avoir une envergure extraordinaire chez l'humain qui s'autorise à vivre l'intelligence, donc à se risquer. Et elle peut avoir une envergure intéressante chez les animaux. Mais ce que l'humain va dire normalement, c'est que quelqu'un qui fonctionne par instinct est très animal. Bon, mais l'oiseau se bâtit un nid par instinct. Et là, c'est oui, je bâtis un nid par instinct. Mais bâtir un nid avec tes mains, il n'y a pas un humain qui arrive à le faire. Lui, il le fait par instinct. Il s'occupe de ses petits par instinct. Il se promène dans la forêt, il fait des migrations extraordinaires par instinct. Prenons avec l'exemple du grand monarque, qui est un papillon. Il part du Canada, il s'en va jusqu'à quelque part en Californie, et là, il meurt. Il pond des larves, pond des œufs, et le papillon meurt. Les larves deviennent des papillons, elles partent de là et elles descendent au Mexique, sur la même région, et là, elles pondent des larves et le papillon meurt. Les larves renaissent, partent de là, reviennent en Californie sur les mêmes arbres, pondent des larves et meurent. De là, on repart, on revient dans nos régions ici, et ça, c'est un cycle comme ça. Sauf que de génération en génération, ils vont aux mêmes places. Et ça, les scientifiques ne sont sidérés, ils ne comprennent pas. Où le grand monarque se réincarne, c'est le même papillon qui vit donc, où la mémoire est transmissible par la génétique, où la mémoire est transmissible par l'énergie, ou mais ce que l'on voudra. Mais ces foutus papillons, de génération en génération, reviennent aux mêmes places, à un endroit où ils n'ont jamais été. C'est pas comme la truite qui remonte la rivière pour aller là où elle est venue au monde. Et déjà là, c'est génial. Mais le papillon, lui, il retourne dans un endroit où ses ancêtres étaient. Et de là, il meurt. Et celui qui vient au monde, il descend de paquet de personnes qui sont promenées et s'en va exactement à la bonne place. L'humain a aussi ses pouvoirs cachés. J'étais en Amazonie avec des indigènes, et un de ces indigènes nous amène quelque part nous montrer son territoire de chasse. Et parce que nous, on est toujours là, c'est quoi ça, ben finalement, il se perd, l'indigène. Totalement perdu. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour se retrouver? Bien, il monte sur un arbre, et puis il regarde, il voit rien. On voit rien dans la jungle. Ah, il redescend. À un moment donné, il arrête, il attend. Il se tourne un peu, il attend. Après ça, il nous fait signe. Fait qu'on le suit. On arrive sur un immense marécage qu'on n'a pas vu en s'en venant. Là, il faut contourner le marécage. Totalement perdu après. Il arrête, il attend. Nibouzin, on le suit, puis on arrive en arrière de sa cabane, en pleine jungle. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Lui, il n'était pas perdu, il ne savait pas où il était. Ce n'est pas pareil. Pour nous, c'est la même chose. Pour lui, rien à voir. Si tu m'avais expliqué ça dans la jungle, je n'aurais pas été très confiant. Ben, c'est ce qu'on dit, on est perdu. Il disait non, on est perdu. Non, ben, Christy. Fait qu'à fois qu'on passe à la même place, là, tu sais pas où c'est que tu vas. Ah! D'accord, ça je suppose qu'on est... On est perdu, non. Pour l'humain qui est en ville, avec les noms écrits sur les cartes et tout ça, lui est perdu. Parce qu'il sait pas où ce qu'il va, puis il sait pas où ce qu'il est. Mais Jane, il savait où ce qu'il allait. Sa hutte. Et c'était clair chez lui. Il s'autorise. Il n'a pas appris que c'était impossible. L'être humain fait de la télépathie, il fait de la téléphatie, il fait de la métagnomie. C'est quoi la métagnomie? C'est de trouver les choses qui sont cachées. Moi, quand je travaillais pour l'urgence santé, j'avais quelque chose d'intéressant, parce que souvent, on allait à l'extérieur reconduire des patients qui ne pouvaient pas prendre l'avion, par exemple, et qui devaient rentrer chez eux, ou que c'était loin, mais trop proche. Et les personnes sont dans la civière en arrière, donc ne peuvent pas nous indiquer où tourner, puis etc. Et je me perdais toujours là où j'allais. Mais c'est un avantage, tant qu'à se perdre. Pourquoi ne pas se perdre devant la maison où on va conduire la personne? Alors, quand je prenais l'information, on descendait dans un garage, on allait voir, cherche telle rue. Ah, ben, tu tournes ici, c'est la rue à côté. Ah, c'est parfait. Toujours perdu où j'allais. Je fais des conférences souvent relatives à l'enfant Teflon, puis je suis amené à me promener un peu partout. Même chose, je me perds toujours là où je vais. Mais j'ai confiance. Est-ce que c'est de la confiance ou de la foi? C'est de la stupidité. Scientifiquement parlant. Mais en attendant, j'y ai aucun problème, je me rends bien. Alors, il y a énormément de choses chez l'être humain. L'être humain... Mais c'est la confiance, là, je reviens au mot confiance. Tu fais confiance à quoi? À rien. Au même phénomène, tu fais confiance à... Tu fais confiance à rien. Juste que tu vas faire dans votre place. J'ai essayé une expérience assez intéressante. J'ai couché dans mon lit, la porte était fermée. Et là, j'ai essayé de visualiser ce qu'il y avait de l'autre côté, d'imaginer. Alors, j'ai commencé à imaginer la pièce, puis je connaissais le corridor. Et en imaginant tout ça, j'ai fini par faire disparaître la porte dans ma tête, évidemment. Ma mère, j'ai pas apprécié. Alors, de faire disparaître la porte dans ma tête, et là, je voyais ce qui était de l'autre côté, c'était bien. À un moment donné, l'idée m'est venue, quand on imagine des choses comme ça, pourquoi on n'imagine pas la réalité? Pourquoi on imagine toujours de l'illusion? Ah, ben, c'est sûr que si un adulte aurait été là, il m'aurait dit, ben voyons donc, coup de bain, le petit. Et alors là, je me suis mis à imaginer, puis à un moment donné, ben, j'ai imaginé ma mère qui descendait les escaliers, puis qui s'en venait. Puis quand elle a ouvert la porte, ben là, j'ai essayé d'imaginer, elle était là. Bon. Pouvoir cacher, etc., etc., puis je ne suis pas un phénomène. Je suis un phénomène en ce sens parce que j'ai un ego qui m'autorise plusieurs choses. Je ne suis pas manipulé par la médiocratie. Je n'ai pas peur d'être considéré comme marginal ou même complètement fou. Et j'ai des psychologues qui m'ont dit que ça soignait ce que j'avais. Donc, en partant, c'était pas pire. Aujourd'hui, je parle avec eux, puis ils font des séminaires. Bon. Est-ce qu'ils pensent encore que ça se soigne? Non, ils font des séminaires maintenant. Sur le phénomène. Ils ont une conférence régulière, puis... pas pire. Il y en a qui sont plus psychologues. Parce qu'ils sont dit sur le pas à peine. Mais il y a, à travers chaque être humain, des puissances qui sont phénoménales en ce sens que nous ne sommes pas habitués. Dans un séminaire, à un moment donné, je parlais aux séminaristes du processus du miracle. Ils sont encore humains, pas habitués. Comment je vais m'en sortir? Ça n'a aucun sens. Mais l'humain s'est toujours sorti de tous ses pétrins. Et jamais il ne savait comment. Il y en a qui travaillent pour y parvenir, et s'ils n'auraient pas travaillé, ils y seraient parvenus quand même. Et quand je dis ça de temps en temps des séminaires des hommes d'affaires, il y en a plusieurs qui sont un peu frustrés. Mais ce que je leur dis, c'est frustrez-vous pas. Si vous comprenez la mécanique, c'est tout l'avenir de votre vie qui va être changé. Vous allez continuer à avoir du succès, vous allez continuer à avoir une rentabilité financière, mais vous allez commencer à avoir de la vraie richesse, vous allez commencer à avoir du temps en plus d'avoir de l'argent. Et il y a des personnes qui me disent, oui, mais moi, c'est ma vie de travailler. Oui, mais maintenant, tu es rendu à quelque chose, puis probablement que le potentiel qui t'habite, pouvoir cacher, on pourrait s'en servir à des choses qui vont te faire épanouir maintenant dans un autre créneau. Tu es habitué à celui-là. C'est pour ça que c'est ta vie, celui-là. Mais si tu vas dans un autre créneau, à un moment donné, découvre quelque chose d'autre, puis tu vas te rendre compte que ce que tu as bâti, là, c'est pour te placer quelque part pour maintenant aller ailleurs, t'être en plein. Mais cesse de le vernir, le tremplin. Il est bon. On va l'entretenir, on peut aussi déléguer des petites choses. Mais l'humain, homme, femme et enfant, ils ont de ces capacités. C'est phénoménal. Mais habituellement, ce qui arrive, c'est que l'être humain ne fait pas confiance à ce qu'il a. Des personnes qui ont des intuitions. J'étais avec une personne à Chicoutimi il n'y a pas longtemps. C'est elle qui me pilote. Bon, elle avait organisé une conférence là-bas. Et c'est elle qui conduit. On arrête sur un feu rouge. Il y a un camion qui est à notre gauche. Le feu passe au vert. Elle vient pour avancer. Elle arrête net. Puis là, elle attend. Puis il y a une automobile qui brûle le feu rouge, donc dans sa direction, vu que c'était vert pour nous autres. Le camionneur l'avait vu, l'automobile, mais lui, nous cachait la vue. Et puis, vroom, ça passe. Puis là, il embraye, on s'en va. Ce personnage-là, c'est une personne avec qui je travaille depuis plusieurs années. La nuance avec plusieurs personnes, c'est qu'il n'a pas fait un plat d'avoir la vie sauve uniquement parce que c'est logique qu'il ait la vie sauve. C'est tellement stupide que passer en avant une auto qui te fonce dedans. Mais comment il peut percevoir ça? C'est de la préscience? Non. C'est qu'il était en harmonique avec ses sens vitaux, il était en harmonique avec l'événementiel autour de la place. Il conduisait un automobile, donc des rétroviseurs. D'accord, mais il y a plusieurs autres choses. Et ça, analyser quoi que ce soit. Et c'est ça qui est intéressant quand l'ego finit par nous autoriser à être un cran plus haut que ce qu'on pense qu'on est, mais dans le surnaturel. Surnaturel, dans le paranormal, en réalité dans le normal qu'on connaît moins, dans le naturel qu'on connaît moins, hein, lui, ce qui simplement, c'est qu'il n'est pas toujours en alerte à se demander et à analyser tout ce qui se passe partout. Mais là, il y a une mémoire d'intervention qui a fait que c'était perçu, il y avait un danger, c'était imminent, il a arrêté. L'automobile est passé, pourquoi sa puissance continue à se développer? C'est qu'il n'a pas fait un plat. On embraye, on continue. Normalement, personne n'aurait dit « Tabarnouche, une chance que j'ai arrêté, puis on aurait jasé pendant... » Bon, c'est un problème. Parce que quand on réagit comme ça, c'est comme « As-tu vu? C'est arrivé à moi! Ça se peut pas! Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont trompés quelque part! » Mais à un moment donné, c'est toujours là, mais tu t'en sers pas. C'est comme ça qu'on s'empêche de s'autoriser à exprimer ces pouvoirs-là. Comme je dis de temps en temps, tu te promènes dans la forêt, tu t'emmènes aller avec un chevreuil. Pourquoi qu'il est plus là? C'est parce que tu fais « Ah! Un chevreuil! » Ben, Christy, lui, il est plus là, lui. Si ça serait naturel que l'être humain se marche dans la forêt et que les animaux n'aient pas peur de lui... Et puis ça serait naturel que le chevreuil en forêt... ait peur de l'humain. Mais c'est naturel pour le chevreuil, traditionnellement. Mais le chevreuil s'approche de tellement d'animaux. Quand on regarde de temps en temps les films, c'est filmé, bon, dans d'autres pays, on voit des points d'eau. On voit le bœuf aller voir, on voit des oiseaux, on voit des gazelles, on voit un éléphant arriver de l'autre côté, on voit des singes. Mettez un humain dans l'eau. Allez voir avec les singes, puis les éléphants, puis tout ça. Sauf dans les pays où on ne connaît pas l'homme. On va aux îles Galapagos, c'est suffisamment resté, on peut toucher, on peut bon. Tous les animaux n'ont pas peur de l'homme. Sauf que dans les régions où il y a des égrégores de chasseurs, là, où c'est que tu n'as plus besoin de chasser, mais tu continues, il y a des égrégores particuliers. Mais c'est surtout l'idée que nous ne sommes pas, en tant que citadins, habitués de rencontrer des animaux. C'est phénoménal. Il n'y a pas de clôture, ils ne sont pas dans un zoo, puis il y en a un avant. Alors, il faut absolument que je... L'être humain, il est bâti pour être en harmonie dans sa vie et dans son écosystème. L'écosystème, c'est nécessairement avec autrui. On est capable de calmer quelqu'un uniquement par notre présence. On est capable nécessairement aussi de perturber les gens par notre présence, des pouvoirs cachés. On rencontre quelqu'un et puis on a la vibration que cette personne-là, elle n'est pas fiable. C'est un pouvoir caché. Est-ce que tu connais des personnes qui ont déjà les plus courtiers en valeur mobilière? Moi, je connais quelques-uns. Bon. Quelques-uns. Est-ce que les meilleurs courtiers, est-ce qu'ils fonctionnent par intuition ou s'ils fonctionnent par analyse mathématique? Par intuition. Par intuition. Qui n'appelle pas de l'intuition. Ah non, il n'y a pas un client qui va vouloir faire affaire avec un courtier qui fonctionne. Ça, mais c'est bon ça, achète-les. Si tu connais de la compagnie, rien, mais achète-les. Les lettres me plaisent. Toujours, après les lettres me plaisent plus fort. Effectivement. J'en ai connu, t'en connais des courtiers. Les bons courtiers fonctionnent par intuition. Mais c'est quoi cette foutue intuition-là? C'est dangereux, c'est stupide, ça n'a pas d'allure. Puis traditionnellement, c'est l'inverse de ce que la majorité pense. Mais oui. tu achètes une automobile, tu peux y aller par intuition, tu achètes, mais c'est quoi l'intuition? C'est l'instinct, c'est le savoir instantané. Qu'est-ce qui fait que ce personnage-là peut savoir telle chose alors que toutes les autres disent l'inverse? Les autres ont étudié, ils ont pensé, ils ont travaillé avec la mémoire, ils ont... Alors que, encore, mais il y en a qui vont travailler, puis qui vont, ils vont travailler là-dedans, puis ils vont trouver la même chose que l'intuitif. Mais l'intuitif, lui, ne mérite pas ce qu'il a. Mais l'être intelligent mérite de ne pas mériter. On ne mérite pas de passer notre vie à travailler. On a des sens, on a des capacités, et on pourrait même donner des séminaires et des cours pour les faire développer chez l'humain. Alors qu'en réalité, ce que vous pouvez facilement faire, c'est être attentif, être à l'écoute de ces phénomènes-là, et de cesser de continuellement nous demander. Il y a des personnes qui viennent me voir de temps. Même. Est-ce que c'est normal? Puis il me compte leur histoire. Non, c'est pas normal. Très naturel, puis tant mieux pour vous, mais c'est pas normal. Puis juste parce que c'est pas normal, c'est épeurant. Mais voyons donc. Il y a des personnes qui, à un moment donné, ont l'impression qu'ils devraient déménager. Mais c'est quoi l'impression qu'on devrait déménager? Est-ce que c'est l'impression que vibratoirement on est rendu dans une classe où la maison ne nous va plus? Il y a des personnes qui, à un moment donné, doivent changer d'automobile. Oui, mais c'est niaiseux, t'es encore bonne ton automobile. Oui, mais je l'aime plus. C'est quoi ça, je l'aime plus? Est-ce que, vibratoirement parlant et consciemment, l'individu n'est plus en harmonie avec son automobile? L'automobile brise parce qu'il y a une énergie de l'individu trop puissante. L'automobile est rentré dans une classe aristocratique qui fait qu'il ne peut plus être en harmonie avec son automobile. L'esthétisme, c'est pas une question de goût, c'est une question d'énergie, de nourriture. La maison, on la décore comme ceci, on va chez quelqu'un, puis on dit, tu vis sur ce tableau qu'il y a là, mais il gaspille. Les tableaux le font vivre, le nourrissent. Il a de l'intuition et il a de la capacité, c'est pas connu, de se nourrir de l'onde de forme, de l'esthétisme, de son vêtement, mais de l'entourage, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de l'automobile. L'être humain a énormément de facultés qui sont très utilisables pour rendre la vie douce. Est-ce qu'il faudrait toujours écouter ça, ces pulsations-là, ces pulsions-là, c'est-à-dire de déménager, de changer de voiture, de changer de travail? Non, on ne doit pas écouter et on doit écouter. Où il y a la nuance, où il y a la problématique. Vous savez, on est au paradis. Tout le paradis cache un enfer. Bon, hein, j'étais dans les forêts vierges, c'est le paradis. Pour les moustiques. Pour les moustiques. Non, c'était pas de trucs pour ôter des mouches, le paradis, on sait plus pour qui il est. Il y a une problématique. C'est que l'être humain, c'est un être mémoriel en majorité. Il y a de l'instantanéité chez l'humain, donc de l'intuition. Il y a de la spontanéité, qui souvent se tarit quand on vieillit parce que on cumule tellement de la mémoire qu'on finit par faire plus confiance à la mémoire qu'à l'instantanéité. Comment on peut savoir qu'on peut faire confiance à tel ou tel individu? Il faut qu'on se risque. Mais pas se risquer comme ça. Regarde-lui la face. Comment tu te sens après de lui? Quand il est parti, qu'est-ce qui reste d'eux? S'il t'a parlé, puis il t'a harangué, puis il est allé, il faut faire attention. La meilleure chose qu'on peut faire pour vérifier un sens, c'est de le laisser se refroidir. Après 2 jours, avez-vous encore la même opinion du personnage? Oui, c'est une intuition qui est probablement inconvenable. Oui, mais je peux me tromper, c'est vrai. Mais allez-y avec n'importe quelle autre méthode, vous pouvez aussi vous tromper. Autant développer celle qui ne demande pas de technique, qui ne demande pas de cartomancien ou qui ne demande pas de spécialiste de l'humain. Est-ce que le cartomancien, justement, il se sert de ton intuition? L'intuition de toi? Moi, je tirais aux cartes en face à ma mère quand je perdais. Tirer les cartes? Après, j'ai appris qu'on pouvait tirer aux cartes en les laissant sur la table. Alors, quand je... Ta mère a dû apprécier. Ah oui, j'ai apprécié énormément. Mais là, je prévoyais des choses à la préférée Gélard. C'était plus normal. Alors, j'étais à Chicoutimi, puis je travaillais pour des frères. On peinturait le grange, tout ça, parce que j'en avais marre de faire ce que je faisais. Et à un moment donné, on manquait d'argent, là, on faisait la tournée des vidanges, on ramassait ce que les gens achetaient, et on allait vendre ça au marché aux puces. Bon. Et ça ne se vendait pas suffisamment, alors on a mis tirage de cartes, 5$, puis bon. Les gens venaient se placer, j'avais une boîte, une petite plaque là-dessus, j'avais un jeu de tarot. C'est des... pour les mécaniciens, c'est des cartes. Bon. Non, mais c'est ça, je spécifie. C'est ça, c'est bon. Alors, je place mes petites cartes là, et puis une personne qui vient, puis là, je tire aux cartes 5$, ça part tout emballé. Mais moi, déjà, je savais que mes cartes, je n'ai pas besoin de mes cartes. Viens t'asseoir en avant, puis moi, tout te dire ce que tu veux savoir. Mais, voyons-en, 5 ou 10 piastres, puis tu peux aller voir quelqu'un. On ne fait pas confiance à un être humain. On fait confiance à des cartes. Alors, je mettais mes cartes. Là, les personnes, ils venaient. Puis, à un moment donné, il y avait du monde, on passait à 10$. Jusqu'à temps qu'un homme arrive en me disant, moi, je ne crois pas ça du tout. Je ne vous en pas, tous ceux qui viennent, ils ne croient pas ça non plus. Bon. Fait qu'il s'assoit. Je vais vous dire tout ce que vous avez eu dans le passé, puis ce que vous faites présentement. Moi, je te parle pas. Je commence à sortir ça. Il m'a amené des clients. Pourquoi? Mais tous les individus, à un moment donné, on avait un kiosque, on s'était fait ramasser un salon ici, que moi j'appelle la foire, mais on appelle ça salon des sciences occultes, c'est la foire occulte. Et on annonçait quelque chose, ça n'a rien à voir avec l'occultisme, mais les gens qui s'intéressent à l'occultisme ou à l'ésotérisme, c'est des gens qu'on voulait rencontrer. Alors la meilleure chose, c'est de se pointer dans une place où théoriquement ils vont. Mais c'était pas enfin. Il y a des places pour lancer des danses, des clubs, c'est bon. C'était occulte. Et il y avait la vallée de. Pas la vallée, la rue de la destinée. Et là, il y a une personne qui organisait ça, elle vient me voir, puis elle me dit, il nous manque 4 cartomanciens. Dans ta gang, tu n'aurais pas. Je peux vous en préparer, si vous voulez. Alors, il en manquait, de toute façon, recul. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs de mes amis, on a sorti les tarots, puis là, je leur ai dit, cette carte-là, là, à quoi ça fait penser? Oh, c'est pas une bonne carte. Bon, là, tout le monde décode les 22 arcanes principales. Et quand on a eu fini, je leur dis, c'est simple. Il n'y a pas de règles pour tirer aux cartes. Quand la carte arrive, là, puis tu la trouves laide, ben, tu dis à la personne, ce qui va vous arriver, c'est laid. Ben, si. Alors, les quatre, leurs égaux, les autorisaient à se lancer. On leur a dit, tu vas dans une petite boîte, il y a du monde qui vient de se placer. Puis en plus, ils croient à tout ce que tu vas leur dire, puis ils croient à rien. Des gens qui bon, tu sais, quand tu leur manques... Tu peux te mettre un turban et une barbe, là. Tu peux te mettre un turban et une barbe, ou ça, t'es sûr que tu vas reconnaître. Bon, mais il y a une fille dans l'eau, bon. Alors, la barbe, tu sais. Parce qu'on a fait, c'est qu'on s'amusait, parce que je me suis toujours amusé dans la vie, hein, c'est trop plaisant. Alors moi, je m'en vais tirer aux cartes, et puis là, il y a des gens qui viennent s'asseoir là, puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a du monde en tabarouette, c'est le bouche-oreille, ça fonctionne. Là, mais là, moi, j'ai rendu une certaine heure, j'ai eu le bol. Alors, il y a une personne qui vient se placer, un du groupe, qui vient se placer avec les clients qui se font tirer aux cartes. Fait que là, lentement, il avance, les clients, ça, bon, à un moment donné, ils se ramassent en avant de moi, fait que je tire aux cartes. Tout le monde, on voit, tu sais, tu vois toujours un peu ce qui se passe. Le monde est toujours resté du côté, parce que... Fait que là, je tire aux cartes. Puis quand on a fini, lui me tire aux cartes. Puis quand on... Les clients, regardez ça, c'est le client qui tire aux cartes, le cartement. Quand on a fini, moi, je sors. Puis lui prend ma place. Puis ceux qui étaient là, là, je demande à lui. Mais il restait où ça, mais le monde, leur ego ne les autorise pas à se dire, ben, crime, moi, j'y vais pas. Ils sont tous... Fait qu'ils rentrent dans la boîte. Et puis là, vous êtes cartomancien? Oh, ouais, j'ai tiré aux cartes au cartomancien, puis j'en ai dit plus que ce que lui en savait sur lui-même. Ah, personne n'est rassuré. Puis comme ça, on changeait comme ça. Nous autres, c'était quand même... Une rotation. Mais quand on fait ça, quand on tire aux cartes? J'avais toujours... Les cartomanciens, c'était parfait. Assez qu'on me demandait d'aller dans les estrades, de ma gang, on se voyait, puis c'était interdit de se faire payer. Puis ils nous montaient dans les estrades au centre pour sourire, ils nous payaient 10 piastres qu'on le tire aux cartes. Mais est-ce que le cartomancien se sert de l'intuition de l'individu qui se fait tirer aux cartes ou sert de la sienne? Les cartomanciens se servent des livres qu'ils ont lus. Tu prends un pendule, j'avais un pendule à un moment donné, une clé. Et puis à l'école, je voulais passer mes examens, tu sais, c'est oui, non, oui, non, oui, non, peut-être, bon. Alors je prends ma clé pour réponse, je cache ma clé. Puis une question, je lis la question, puis je demande à la clé, c'est quoi la réponse? C'est bien simple. Sauf que, chez moi, j'avais, bon, m'amuser comme ça, j'avais décidé que quand c'est le même, c'est oui, quand c'est le même, c'est non, puis quand c'est le même, c'est peut-être. C'est ça Pour un test, oui, non, peut-être, pas bon. Je mettais toujours à faire du questionnaire, peut-être. Ça faisait amuser. Je perdais les points, mais en tout cas. Alors, ça tournait, bon. Alors, j'y vais avec mon pendule, puis je répondais, puis j'y allais, puis je répondais. Et j'avais 70, 75. Parce que le professeur, il corrigeait comme ça aussi. Ah, je sais pas trop. Lui, il coule dessus ou il passe. C'est ça, oui. Il y en a un qui a mis ça, et Dieu seul le sait, puis il y avait une note, et Dieu passe, mais tout du coup. Mais, alors, je m'amuse avec mon pendule. Jusqu'au jour où je découvre, c'est intéressant, un livre sur la radiesthésie qui avait été publié par la compagnie Shell Canada. Ah oui. Ah, pour trouver du pétrole. Je sais pas trop. Ah oui, sûrement. Mais ils cherchent oui, en avion, effectivement. Ouais. Après ça, ils vont voir sur le terrain, mais quand même. Mais ça, ils disent pas, parce que c'est pas scientifique. Hein. Les actionnaires, là, ils vont pas. Bon. Alors, je lis le truc, puis là, on nous explique que depuis longtemps, longtemps, longtemps, les individus fonctionnent avec les pendules de telle, telle façon. Alors, quand ça va comme ça veut dire non, moi, ça voulait dire oui. Puis quand ça va comme ça veut dire oui, moi, ça voulait dire non. Puis, à un moment donné, je lis d'autres livres où ce que c'est quand c'est comme ça que c'est oui, quand c'est comme ça que c'est non, quand c'est en diagonale, ça veut rien dire. Pour découvrir que finalement, chaque être humain là, a suffisamment ce qu'il a chez lui. Apprenez rien, décidez ce que ça va être. Tu prends ton jeu de cartes, puis tu décides que le 10 de cœur, c'est un accident. Que le 9 de trèfle, c'est un gagné Kexen, etc. Mais ça n'a pas d'allure. Oui, ça a de l'allure. Et là, à un moment donné, moi, j'avais lu, j'ai regardé des cartomanciens faire aussi, là-bas, j'étais à l'école de la farce, et ils ont turban, plus c'est mystique. Alors, ils brassent les cartes. Là, ils vous disent, coupez-les de la main gauche en direction du cœur. Personne ne prend le paquet de cartes, elle le coupe en deux, tu sais. Puis là, le cartomancien, ben, il prend les cartes, puis là, il commence à les étaler. Et là, je me dis, pourquoi qu'il faut couper les cartes, la main gauche, en direction du cœur? Imagine-toi, on l'apprend en médecine, qu'il y a une personne sur quelques milliers qui ont le cœur l'autre bord, l'estomac l'autre côté, qui ont tout à l'envers. Et si lui, s'il coupe la main gauche en direction du cœur, il faudrait qu'il coupe la droite, dans l'autre direction. Et là, je vérifie les choses pour découvrir que peut-être, tout ce qui est intéressant, je fais des expériences avec mes enfants. On prend 3, 4, 5 cartes, et puis là, je leur dis simplement, touche au jeu de cartes. Ils touchent au jeu de cartes, parfait. Je prends les cartes, je dis la troisième carte, c'est quoi? Alors, il me donnait un dessin. Fait que je vérifie, c'est ça. On fait quelques petits tests, puis 6 fois sur 10, toujours bon. Mais là, je me rends compte que, finalement, l'être humain, avec ses mains, peut lire. Quand il touche le jeu de cartes, puis qu'il coupe la main gauche en direction du cœur, tout ce qui est important, c'est qu'il touche le jeu de cartes. Touchant le jeu de cartes, inconsciemment, il connaît tout l'emplacement des cartes. Parce qu'il est en relation télépathique avec le cartomancien, il va donner au cartomancien, bien souvent, quand on fait sortir des chiffres, les cartes essentielles pour que lui interprète ce que le personnage qui vient en avant de toi sait déjà. Mais il le sait, mais inconsciemment. Il y a tellement de choses faciles à voir. Le cryptomancien va donc fouiller dans les mémoires de l'individu, pas dans les... Il se laisse manipuler par l'individu. C'est pourquoi beaucoup de cryptomanciens, c'est des êtres extrêmement sensibles, qui peuvent être aussi colériques, etc., puis qui ont souvent plein de problèmes. Pas tous, la majorité. Bon, on a connu un bonhomme, à un moment donné, qui s'appelait Jan Borg, je crois, c'est ce nom-là. Lui aussi, il fouillait dans des mémoires, puis là, il pouvait aider énormément de personnes. Edgar Cayce, c'était la même chose. Pas plus qu'une fois par jour, mon petit, tu vas claquer. Ben, ils sont morts, tous deux. L'être humain a certains pouvoirs qu'il doit transformer en puissance. S'il ambitionne ou s'il ne s'écoute pas lui-même, à un moment donné, il se fait avoir. Autrement dit, tu montes des marches, tu les montes trop vite, puis le corps physique ne peut pas supporter. S'il se sert, par exemple, du pendule, je trouve que c'est peut-être l'instrument le plus facile et le plus pratique à transporter. Ça, c'est ton jeu de cartes avant de t'acheter un auto. Là. Le pendule, ça se fait discrètement. Mais s'il se sert du pendule, et puis que ça fonctionne, il n'y a pas un moment donné où si l'ego commence à se rendre compte que ça fonctionne, ça ne marche plus. C'est que parce que nous n'acceptons pas les petites choses naturelles, quand vous vous dites simplement, je viens d'avoir une idée. Savez-vous que de dire à quelqu'un, je viens d'avoir une idée, c'est aussi stupide que de dire, les astres m'ont dit. Comme si c'était exceptionnel d'avoir une idée. Non. L'idée, simplement, c'est que je viens d'avoir une idée. Vous avez pris ça où? La mathématique, le cartésianisme là-dedans, la logique là-dedans. L'idée, c'est conçu comment? Je viens d'avoir une idée, ça part de où? C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'idée? T'as de l'intuition là-dedans, t'as des manipulations astrales dedans, donc psychologiques, il y a plusieurs choses. Mais je viens d'avoir une idée, on y croit ça. Puis quand tu te mets à vibrer, là, regarde-moi chair de poule, là, je l'ai. Là. Ben oui, c'est rien parce que tu sécrètes endocrinalement. Une idée qui ne fait pas sécréter, tu y crois moins, une idée qui fait sécréter, tu y crois plus. Les artistes, souvent, c'est comme ça. Il faut que ça leur fasse bouger les intestins. L'être humain ne fait pas confiance. L'idée, c'est pas de l'instinct. C'est la même chose. Prends un pendule, c'est la même idée qui travaille, sauf que c'est exprimé dans ton corps physique. Le pendule augmente simplement l'oscillation de ce que tu es. Mon grand-père, il prenait une baguette de sourcier, c'était un garde forestier dans les hauteurs à Rimouski, puis quand il cherchait de l'eau, ben il cherchait ça avec une baguette de sourcier. Hein? Puis il s'en allait, puis à un moment donné, ça pliait, puis la baguette, bon, il y avait de l'eau. Puis il trouvait toujours. Aujourd'hui encore, il y a des personnes qui arrivent avec leurs grosses foreuses, puis ils cherchent avec des baguettes. Des coudriers ou des noisetiers, des choses comme ça. Mais est-ce qu'ils savent qu'il y a de l'eau là, tout simplement, ils auraient besoin de baguette? Non, ils ne le savent pas. Ils se promettent. Ils sont pas conscients qu'ils le savent. Il y en a même qui vont te dire combien de pieds. Puis quand tu creuses, à Valcourt, à un moment donné, il y a un de mes beaux-frères qui s'est fait creuser comme ça. Puis le gars a trouvé de l'eau à quelques pieds près de ce que le sourcier lui leur avait dit. Moi, je sais que... Ma question est mal posée. Je sais qu'ils sont conscients qu'il y a de l'eau de là, qu'il y a de l'eau de là, oui. Qu'il y a de l'eau de là en dessous. Et puis, ils en sont conscients par la baguette. Mais sans la baguette, ils pourraient aussi en être conscients. Oui, mais ils ne s'écoutent pas. Mais comment ils font pour le... dans le désert, il creuse, il boit. L'homme, s'il va dans le désert, il creuse, il arrête de creuser, il se demande pourquoi pas là, puis il meurt de faim, il meurt de soif. Le chameau, non. Les animaux, souvent, ont un instinct, donc une forme de savoir instantané, qui, s'ils leur permettent de survivre malgré qu'ils n'ont pas toute la technologie et l'intelligence que nous avons, il faudrait qu'on arrive à associer les deux. Chaque être humain a suffisamment chez lui de petites particules d'information que s'il apprend à écouter, il va apprendre, non pas à développer, il va apprendre à sensibiliser son écoute. Et en plus, il va apprendre à savoir quand c'est une bonne écoute et quand ce n'est pas une bonne écoute. Avec des individus en pleine forêt, on fait un exercice de cumberlandisme. C'est quoi du cumberlandisme? Trouver aussi ce qui est caché. Alors, on prend des personnes, des groupes de cinq, on leur donne une petite balle, et puis ils la cachent en arrière pendant qu'un autre individu a le dos tourné. Après ça, ils se retournent, et là, ils regardent les individus de trouver qui a la balle. Vu que c'est des adultes, immédiatement, ça se met à transpirer. Les niaiseux ont maudit comme pratique, franchement. Tu sais, payer table, mais dans le bois pour s'asseoir à terre et commencer à chercher une babale. Et là, ils essayent. Bon, c'est lui qui l'a. C'est pas lui. Vous savez, comment vous dites ça marche? Bon, c'est lui qui l'a. Pas lui. C'est lui qui l'a. Pas lui. Là, finalement, je leur dis, faites des statistiques de vos réussites. Hein? Faites des statistiques. Et quand ils ont fini leurs statistiques, c'est vraiment, vraiment mauvais. Et là, je leur dis, vous vous connaissez mal. Vous êtes habité par un virus. Il y a l'ego et il y a vous. Tu sais, je dis, bon. Faudrait que tu le fasses avec des balles de 38, c'est plus facile. Non, même pas. On a un policier qui s'est essayé. C'est celui qui est couché, là, qui a la balle. Oui. Si un revolver à viser dessus. Mais là, on est plus intelligent que ça. Ah oui, il manque de participants à un moment donné que ton jeu. Alors, ce que je leur explique simplement, c'est que dis-moi qui tu es sûr qui a la balle. Ça ne marchera pas. Dis-moi qui tu vois qui a la balle. Je suis sûr que c'est telle personne. C'est parfait. Celle-là, élimine-la, elle ne l'a pas la balle. Ben, mais c'est niaiseux. C'est pas niaiseux, ton ego te niaise. Nos égos ne veulent pas que nous découvrions certaines choses parce que l'ego est uniquement basé sur bâti de mémoire et parce que nous sommes habitués à nous fier uniquement à la mémoire, nous nous fions uniquement à notre ego et à tout ce qui le touche et lui devient le maître contrôleur de notre vie. Ce n'est pas nous, C'est stupide de chialer quand il pleut. Tu chioles quand même. C'est ton ego qui chiale parce que lui, il vibre déjà quand il fait beau. Puis quand il fait chaud, tu chiales, il fait trop chaud. Puis quand il fait froid, tu chiales. C'est notre ego. Alors je lui dis, qui maintenant es-tu sûr qu'il a la balle? Telle personne, élimine-la. Bon, ben j'élimine, elle n'a pas la balle. Qui t'es sûr qu'il ne l'a pas dans l'eau? Cette personne-là. Coucou, elle a la balle. Et les statistiques changent de camp complètement. Les personnes deviennent très, très bonnes pour trouver ce qui n'est pas bon. Alors, on fait un autre test, à un moment donné. Je vais former une équipe qui va trouver les personnes disparues en forêt. On prend quelqu'un, on l'amène dans le bois, puis on la cache quelque part. On vient avec le groupe, puis on leur dit, mais promenez-vous dans la forêt, juste ici autour. Là, t'es peut-être à un demi-kilomètre. Sortez dans le bois. Et à un moment donné, vous allez avoir une idée. Alors, quand ils ont une idée, on prend une boussole, chacun prend sa boussole, fait un azimut d'où ils pensent que c'est. On fait une moyenne. C'est toujours un toto qui est lui, c'est là-bas, là. Mais on fait une moyenne, et puis là, on fait un petit mur pour part dans le bois. À 100% des fois, on tombe dessus. Mais les individus finissent par apprendre progressivement à décoder. Comment on tombe dessus? Ils vérifient, puis il semble que, hein, la montagne là-bas, il semble qu'elle est là. Tu élimines, puis à un moment donné, la seule place que tu vois où elle n'est pas, tu fais l'azimut, puis quand on va là, on la trouve. Les égos, c'est dangereux. Et c'est pourquoi la majorité des personnes qui ont effectivement de la puissance, des pouvoirs, des facultés cachées, n'arrivent pas à les trouver parce que ça fonctionne une fois sur deux. Mon pendule, à un moment donné, je me suis rendu compte que quand il me donnait oui, c'était non. Le torieux, il me comptait des mentries. Ça, c'est parce que tu avais commencé à conscientiser que ça fonctionnait? Je commençais à devenir adolescent, adulte. Alors, je commençais à me mentir. Il fallait que je sois rationnel, le cartésien. Alors, j'ai fini par faire Thierry Lafonde, puis j'ai lancé mon pendule dans le bois. Mais, à un moment donné, je suis revenu avec le pendule. J'ai recommencé à fouiller, puis vraiment pas fiable. Vraiment plus fiable. Mon ego fait en sorte que jamais plus je puisse m'en servir. Comment tu fais pour faire la distinction entre les moments où l'ego laisse passer la vérité ou la... L'entraînement, tout ce qu'on a à faire, puis je le dis de temps en temps, tant qu'à vivre, autant servir de la vie. Tu t'en penses? Plutôt que de la servir. Oui, c'est ça. Alors, autant s'en servir. S'en servir, ça veut dire quoi? Ça veut dire risquer des petites choses aussi. Oui, mais je peux perdre ici, je peux manquer mon coup là, on en manque toujours des coups de toute façon. Alors, autant apprendre se servir de la vie pour goûter. Faut apprendre à goûter ce qui se passe chez soi. Alors, à un moment donné, on va faire des erreurs parce que notre ego est là pour nous empêcher d'avoir raison. On n'a pas confiance en soi. On ne s'autorise pas, le terme plus exact, on ne s'autorise pas à être. C'est quelque chose d'autre. Amusez-vous. À un moment donné, vous allez aller quelque part, vous savez que c'est dans la ville de la chute. Vous ne connaissez pas les rues. Vous amenez une carte de la chute, au cas, quand même, faut même que vous arriviez à une heure, à un moment donné. Partez une heure ou deux d'avance, puis allez vous perdre dans la chute. C'est-à-dire, allez-vous-en quelque part, puis rouler, rouler, rouler, puis à un moment donné, ben tourner, puis rouler, puis tourner, puis quand là, vous n'en pouvez plus, là, vous êtes réellement très insécure, là, prenez votre carte, vous demandez à quelqu'un, puis vérifiez comment loin de l'endroit où vous alliez, vous êtes perdu. Il y a des personnes, à un moment donné, c'était simple, on avait une chance sur deux. Prenez pile ou face, exercice à faire, c'est très facile. Maintenant que je vais vous le compter, ça ne fonctionnera pas aussi bien, parce que les égaux, Je dis à des gens, vous prenez pile ou face, puis devinez si c'est pile ou face qui va tomber. Les gens commencent, ils disent pile, c'est face. Bon, là, ils font des statistiques. Quand on va voir après, 3 fois sur 10, je l'ai. 2 fois sur 10, je l'ai. J'ai continué, faisant plus. Sur 20 fois, je l'ai eu 6 fois sur 20, 7 fois sur 20, 4 fois sur 20. Toi, ça ne marche pas! Les probabilités disent que tu ne peux pas avoir 6 fois sur 20. Là, tu manques plus que ce que tu manques, ton coup plus que la probabilité. Donc, tu le sais, mais ton ego te donne l'inverse. T'sais. Sur 20, ce serait 10 ou 11 ou 9. Pas 4, 5 ou 6 ou 7. Là, tu manques trop. Les mathématiques des probabilités te prouvent l'inverse. Ça ne se peut pas que tu manques autant. Et ça, l'humain, parce qu'il vit de médiocratie souvent à cause de son ego, s'il manque, il réussit 2 fois sur 20, il considère qu'il n'est pas bon. Essayons l'inverse maintenant. Quand tu penses pile, dis face. Puis là, on inverse la même chose. On est rendu à 15, 17, 16 fois sur 20. Ça fonctionne subitement. Et parce que l'ego maintenant le sait, là, ça fonctionne de moins en moins. Et là, on se rapproche du 10, 9, 11. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est que de base, avec les personnes avec qui je travaille, ils découvrent que ça existe. C'est pas parce qu'à un moment donné, ça semble perdu quelque part dans les trames de notre conscience que ce n'est plus là. Réveillons-le. Ça va fonctionner. Je parle de temps en temps de Guy Lafleur, à un moment donné, qui était un génie du hockey. Il était toujours là où la rondelle allait. C'était facile d'être un génie du hockey. Puis quand il lançait comme n'importe qui, sans savoir ce qu'il faisait, ça rentrait dans le trou, dans le but. Puis à un moment donné, ça ne fonctionne plus. À un moment donné, il était une vedette. À un moment donné, il fallait qu'il soit à la hauteur de la situation. À un moment donné, l'ego, on ne pouvait plus. Puis à un moment donné, lui non plus. L'être humain, il est plein, il est rempli de facultés. Il y en a des facultés. On peut en énumérer 2 000 à 3 000 facultés différentes. Imaginez les saints, les patrons, les protecteurs de ceci, de cela. Toutes des gens qui, à un moment donné, ont eu comme l'expression particulière de quelque chose. Chaque être humain est cela. Nous avons la capacité de nous rendre malades. Nous avons la capacité de nous maintenir en santé. Nous avons la capacité de nous vieillir. On a la capacité aussi de bloquer le processus et même de rajeunir. Et que c'est poussé. Je le dis tout le temps. Expliquez-moi comment on fait pour vieillir. Oh, parce qu'on le voit souvent, c'est naturel. Mais la science ne l'explique pas. Elle n'explique pas non plus comment une fleur pousse. Ça se peut pas. Elle décrit le processus. Elle n'en comprend pas la mécanique même. Bon. Alors, elle sait qu'en bridant des ceci et des cela, puis en mettant tel engrais, etc. Mais pourquoi la fleur, elle va chercher ceci, puis que c'est la génétique fait que ça sort la même fleur? Ça, on le décrit, on ne comprend pas. Pourquoi la lune, elle tient du sol en haut? On le décrit, on ne le comprend pas. Bon, ça va bien. On met des lois de description, qu'on appelle des lois naturelles. Mais on décrit, on ne comprend pas. Parce qu'on le voit régulièrement, ça devient évident. Mais à un moment donné, tout ce qu'on ne voit pas régulièrement, on doit commencer à se l'autoriser. Vous savez, qu'est-ce que vous risquez de croire à un moment donné que vous voyez à travers le mur ce qui se passe de l'autre côté? Hein? Qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose. Mais à un moment donné, peut-être que quand vous allez croire que vous voyez ce que vous allez croire que vous voyez, ça va peut-être être ce qu'on voit. Jusqu'à temps qu'on pense que c'est ça qu'on a vu. Jusqu'à temps que l'ego finisse par s'habituer à autoriser que ça peut arriver. Là, il va se faire jouer des tours. Il va se faire jouer des tours uniquement s'il est toujours sur la phase où il est vraiment sûr que c'est correct. Simplement. Moi, il y a plusieurs choses que je peux faire, je ne me trompe plus. Bon, je ne m'use pas parce que ça sert à... Est-ce qu'après, disons que la première étape, c'est de prendre conscience qu'on est capable de le faire. La deuxième étape, c'est que l'ego s'en rappelle qu'il est capable de le faire, donc là, il commence à jouer les tours. Il commence à les niaiser pour nous prouver que de toute façon, ça ne sortira pas sans l'ego. Puis la troisième étape, c'est quoi? Est-ce qu'on se débarrasse de l'ego? Bon, on se débarrasse de l'ego. La négociation, ça permet plein de choses. Plus la négociation est importante, plus ça va recommencer à fonctionner? Oui, mais regardez ceci. Il y a plusieurs façons de travailler. Puis moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est... Plus l'humain s'arrange pour évoluer lui-même. Puis évoluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers une conscientisation. Ça veut simplement dire être capable d'accepter des choses neuves. Donc, aller vers l'avant. Fait que faites ça de la façon dont vous voudrez. Mais aller accepter des choses neuves, des visions neuves des choses, des concepts neufs, aller vers l'avant, c'est de la conscientisation, c'est de l'évolution. Les personnes qui évoluent globalement, ceux qui s'occupent d'être eux-mêmes, c'est-à-dire de cesser... Ceux qui sont capables d'intelligencer les choses, de mettre de l'intelligence dans leur vie, de l'écologie. Ça n'a pas d'allure, ça. Ça n'a pas d'allure que j'aille faire ça. Pourquoi j'ai encore fait ça? Mais tu comprends que si ça n'a pas d'allure que tu ailles faire ça, c'est que tu ne l'as pas fait. Il y a quelque chose d'autre chez toi qui te manipule, puis c'est lui qui l'a fait. Ça, c'est de culpabiliser, c'est pas toi. La preuve, tu conscientises que c'est stupide, donc tu ne l'as pas fait. Ton corps physique l'a fait, ton ego l'a fait, quelque chose qui l'a fait. On est deux personnes dans le corps physique, on est deux. L'individu qui conscientise ça, il se dit, il avance. Ceux qui avancent, à un moment donné, vont, par effet secondaire, développer justement des facultés cachées. Alors, ça ne sert à rien de travailler pour être télépathe. Soyez heureux. Vous allez devenir télépathe. C'est quoi télépathe? Je suis heureux. Je rencontre mon fils, je rencontre ma fille. Puis il y a une symbiose qui se crée. Elle est bien, elle aussi. Puis il y a une harmonie qui se crée. Puis on a le goût des mêmes choses en même temps. On rit en même temps des mêmes farces. Je commence quelque chose, elle le termine. Il y a une complicité qui s'installe. Télépathie, c'est son niaiser. Bon, il y a une symbiose énergétique. On est heureux. Ça se crée tout seul. Bon. L'être humain qui évolue, qui se conscientise, qui se développe lui-même, qui cesse de toujours être altéré par la mémoire, par l'ego, les peurs, les craintes, les jalousies, les ennuis, tout ce que j'appelle les choses tributaires de l'animal humain. Mais l'être humain qui fait cela, nécessairement, va déployer une quantité absolument phénoménale de facultés qui vont le supporter dans son ascension, qu'il est où ce qu'il voudra, du moment qu'il s'en va vers ce qui est le mieux et ce qui est le neuf. On ne peut pas aller vers la tradition, comme les commandements de Dieu. C'est là pour ceux qui n'ont pas de conscience. Moi, je n'ai pas besoin d'un commandement de Dieu qui me dit de ne pas tuer. Je ne tue pas. Mais attaque-moi, puis peut-être que je vais tuer. Puis si Dieu n'est pas d'accord, ben si je me laisse tuer, je me suis tué moi-même. Donc finalement, je suis bien mal pris. Entre deux mots, je choisis le moindre. Mais je n'ai pas besoin de commandement parce que j'ai là la conscience. Donc c'est évident, je pourrais te les recréer, les commandements. L'être humain qui monte, n'a plus besoin d'être assujetti à la loi parce qu'il devient la loi. Mais celui qui se conscientise, devient télépathe, devient métagnome, ne se perd plus. Quand je dis même son automobile prend de moins en moins d'huile, elle devient plus économique en essence, et que ça fait con. Mais comment ça se fait que je connais des personnes, vous en connaissez peut-être, qui eux, quand ils vont magasiner, ils ont toujours des aubaines. Ils sont achetés une maison, là, puis ça donnait que ça allait pire. C'était une vraie aubaine. Puis ils n'ont pas cherché. Puis à un moment donné, ils vont à un encamp, puis ils viennent avec un emmanchure qui n'a pas d'allure. C'est extraordinaire, ça fonctionne, c'est beau. Ils n'ont vraiment pas eu cher. Puis ils ont toujours des aubaines. Puis vous, quand vous essayez, il y en a, vu, vous achetez une aubaine, tu sais, puis quand vous revenez, ben c'est à 3$ plus cher, ou 2$ plus cher, ou ça ne fonctionne pas. Il y en a qui n'ont jamais d'aubaine. Il y en a qui en ont toujours des aubaines. C'est de la mathématique, c'est... Non, l'individu, il est à la bonne place au bon moment. Qu'est-ce qu'il fait? Ben lui, il s'autorise. Il a toujours été habitué comme ça. Il a toujours été comme ça. Alors c'est ce qu'il fait. Il se casse pas la tête. Il va quelque part, puis... ça fonctionne. Un autre essaye les mêmes trucs, ça fonctionne pas. Puis ce gars-là, il fait des séminaires, puis il y a des gens qui arrivent à... puis la majorité arrive pas à fonctionner. Pourquoi? C'est pas une question de trucs, c'est une question d'être ce que nous sommes. Être bien, ça libère des choses. On devient télépathe, on ne travaille pas pour le devenir. On devient intuitif, on connaît l'individu. Pas besoin d'un cartomancien. On sait qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire confiance. On sait qu'il est tel ceci. On sait qu'il a compris, on sait qu'il n'a pas compris. On sait qu'il a raison, même si on n'a pas compris pourquoi. Je suis, il a raison, ça a de l'allure. Pourquoi ça a de l'allure? Le gars me plaît. C'est niaiseux en maudit. Non, c'est pas niaiseux. Je me suis jamais trompé. Le gars me plaît. C'est correct. C'est beau. On n'a pas les mots. On n'est pas habitué de travailler, de travailler dans ce langage-là. Mais ça se fait tout seul. Il y a des personnes qui disent, je me couche ce soir, puis à un moment donné, je me réveille, puis il y a une entité dans ma chambre. Sa femme avec les bigoudis, peut-être? Ça, je n'ai jamais vu la mienne comme ça. Ça doit être baptisé. Une entité. Il se passe quoi encore? Avons-nous la possibilité de parler avec les morts? De voir les morts? On a effectivement la capacité d'entrer en contact avec des mémoires mortes. Il y a un gros danger, parce que ces mémoires mortes viennent toujours drainer de l'énergie de l'humain, ils viennent toujours lui donner des conseils pour manipuler l'humain de façon à ce que l'humain agisse comme eux agiraient pour commencer à le posséder progressivement. On a la capacité de le faire. À un moment donné, je m'approche d'une maison au Guatemala qui apparemment été hanté. On va là avec un padre missionnaire. En arrivant là, je me rends compte, en voyant le territoire, c'est noir. Il y a quelque chose de bizarre. Le missionnaire, il le sait. Il est dangereux, lui, fait que ça fait, les exorcistes, il en fait régulièrement, puis il n'a pas appris que ça ne marchait pas. Alors, on approche de la place avec un Jeep, un Land Rover, et en arrivant près de la maison, on se rend compte qu'il n'y a plus de possession. C'est correct. Alors, j'ai dit, moi... C'est pas de maison hantée, finalement, était en lui. C'est ça. Les villes, voilà, en finissant complètement, c'est qu'elle est hantée parce que le padre est là. Il n'y a plus rien de mauvais. Mais quelqu'un qui ne sait pas quelle valeur il a, le padre pourrait dire. C'est drôle, hein? J'ai eu l'impression, mais tu vois, mais c'est... Mais ça qu'on fait ta voix. C'est qu'on fait ta voix, ta présence a tout éliminé. Après ça, il a mis du sel dans l'eau, il a mis des fleurs. Bon, il a fait le rituel pour exorciser. C'est sa présence qui a fait les choses. Combien d'humains vivent, savent, puis quand leur présence se pointe là, la situation est différente. Alors, on se dit, c'est plus vrai. Vous savez que vous n'êtes pas... l'observateur est important, l'humain est phénoménalement important. Il ne le sait pas. Il sait, mais il ne se rend pas compte de ce qui crie autour de lui. Il faut ouvrir les yeux. Vous savez, tous les sens vitaliques, tous les sens vitaliques, comme vous. En fin de propose, vous avez des questions orales ou par écrit sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, ne vous gênez pas, ça va faire parler notre ami, ça.